Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 117e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Et oui, la tribu, c'est la Vampire Freak, c'est Spike. Et je débarque comme toutes les semaines. Merci pour tous vos gentils messages pour l'émission de la semaine dernière. Merci pour vos excellents retours, ça fait super plaisir. Au programme aujourd'hui, il y a des nouveautés, du live, pas mal de nouveautés surtout, et du son culte. On commencera tout de suite avec Here Come the Runt, le nouveau Owl Nation. C'est aussi le titre de cet album, sorti le 2 février 2018. On retrouve Passion, Seven Sticks of Dynamite, Table for One. Ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube et Bandcamp. Ils sont sortis sur Red Bull Records, ils sont vraiment partout ces Autrichiens. On continue ensuite avec Hammerfall de Hammerfall, c'est sur l'album Glory to the Brave, le premier album sorti le 27 juin 1997. On retrouve The Dragon Lies Bleeding, The Metal Age et Stills Meet Stills. On écoutera ensuite Moon Zion de Desmond Dekker, c'est sur le Best of 40 titres de Desmond Dekker où on retrouve tous les classiques de Desmond Dekker. On écoutera ensuite White World, le nouveau Dusk of Delusion, c'est sur l'album Funfair sorti le 9 mars 2018. On retrouve Insanity, Siamese Versality et Wooden Horses. Ils sont sur Facebook, Bandcamp, YouTube. D'ailleurs, le clip de White World est visible sur YouTube et il est sur toutes les plateformes légales et c'est sorti sur le label Fantasique. Et on se finira ce bloc en live avec L'Homme sans tête de Mass Hysteria. C'est sur l'album L'Armée des Ombres sorti le 27 août 2012. On retrouve Positif à bloc, L'Esprit du Temps et Raison Close. Ils viennent de recevoir un disque d'or pour Contradiction, leur premier album sorti en 1995. Comme dirait l'autre, mieux vaut tard que jamais. what's right and what is wrong. Oh, Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. J'ai vu plus d'images de guerre que d'amour. insensé, mais nous devons avancer. C'est insensé, mais nous devons avancer. Go, l'homme sans tête. Stop, l'homme sans tête. Stop. L'homme sans tête. Liberté! Et vive la France, putain! Quel putain de beau pays, la France! Vive la France, j'aime mon pays, vraiment! Vous êtes toujours dans la 117ème Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Here Come the Runs, le nouveau Owl Nation, Hammerfall de Hammerfall, White World de Dusk of Delusion, le nouveau Dusk of Delusion. Allez sur la page Facebook de Dusk of Delusion et sur Bandcamp. On a continué ensuite avec Moon Zion de Desmond Dekker et on a fini ce bloc en live avec L'Homme Sans Tête de Mass Hysteria. On continuera cette émission avec Petit Gars, c'est une nouveauté de Comptoir Carreau. Comptoir K.O. exactement. C'est sur l'album Seconde Génération, sorti le 20 juillet 2016. On retrouve Spirale de Violence, Comptoir K.O. et Alerte Rouge. Allez sur la page Facebook, ils sont sur Bandcamp et YouTube. On continuera avec Are You Ready de Sin Lizzy. C'est sur le Live and Dangerous, sorti le 2 juin 1978. On retrouve Emerald, Southbound et Cowboy Song, du son culte. On continuera ensuite avec Dissidence Politique de Indochine, c'est sur l'album L'Aventurier, leur premier album sorti le 15 novembre 1982. On retrouve L'Aventurier, Leila et L'Opportuniste. On continuera avec une autre nouveauté, Innocent, le nouveau Nevermind de Car, c'est sur leur EP2, donc le deuxième EP, 6 titres, qui est sorti le 27 février 2018. On retrouve Sweet Love, Innocent, Elastic, Come With Me, et Never Let You Go et Angel Falls. Allez sur la page Facebook de Nevermind de Car, ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. Et on finira ce bloc en live avec Emma Zorette de Les Crétins des Alpes. C'est sur l'album Jouer dans ta ville, sorti en 2017. On retrouve Rastafarien, Rasta à l'Amazon, Des Punks à Chien, Chevalier Crétin, etc., etc. Tous les classiques des Crétins des Alpes. Seul dans sa piole, voilà la vie sur ses épaules. Plus haut de ses 11 années, personne ne l'avait épargné. Il était là serrant les dents, au bout de son nez coulant. Allez, viens là petit gars, la vie c'est dur, ne t'en fais pas. Allez, c'est pas petit gars, car le futur aura besoin de toi. Personne n'aurait pu prévoir que ce petit gars broyait du noir. Ni ses parents alcooliques, ni leur coup de trick, ni cette putain de société qui les avait tous condamnés. Allez, viens là petit gars, la vie c'est dur, ne t'en fais pas. Allez, ne cède pas petit gars, car le futur aura besoin de toi. Pas à son âge qu'on décide de fuir le pire. Mais quand le futur s'approche en avenir, faudra-t-il laisser de côté tous ces jeunes paumés, ou bien leur laisser une chance de tout rectifier. Allez, viens là petit gars, la vie c'est dur, ne t'en fais pas. Allez, ne cède pas petit gars, car le futur aura besoin de toi. We'll be right back.

partout. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. You don't. On est les crétins des Alpes, en direct sur Vampire Freaks. On aime bien les filles en uniforme, mais pas toutes. Voici donc un morceau pour les majorettes. C'est moi le docteur Droupi à la basse, et je commence quand je veux. À Saint-Jean-de-Quercy, c'est un vent de folie. We'll be right back. Eh mec, il est pas là, Momo. Vous êtes toujours dans la 117ème Vampire Freaks, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Petit Gars, le nouveau Comptoir Carreau. Oi, oi, oi. On a continué avec Are You Ready de Sin Lizzy. On a écouté ensuite Dissidence Politique de Indochine. Innocent, le nouveau Nevermind de Car. Allez sur la page Facebook de Nevermind de Car. Et on a fini ce bloc en live avec Emma Zorette de Les Crétins des Alpes. On continuera cette émission avec une nouveauté. Blood and Tears, le nouveau Anso M. C'est sur leur EP Au cœur du système, EP 4 titres qui vient de sortir. On retrouve Blood and Tears, Time to Fight, Au cœur du système, Screw You, Resist et Zero Degré. On continuera ensuite avec une autre nouveauté, Big Brother de Jim. C'est extrait d'un album à sortir prochainement. Vous pouvez le retrouver sur Facebook, Bandcamp. Ils cherchent des dates actuellement. Contactez-les. On continuera ensuite avec un petit coup de cœur. Ouais, ça c'est un gros coup de cœur même. C'est Lucien, le nouveau Lulu Gainsbourg. C'est sur l'album Tequila qui est sorti en février 2018. On retrouve Tequila, Love is the Key, Jeu d'enfant. Un excellent album. Il est en tournée actuellement. Allez-y, on le retrouve sur Facebook, sur Bandcamp et toutes les plateformes légales. On continuera avec un petit classique. Chatty Chatty de Toots and the Metal, c'est sur l'album Just Like That, sorti le 15 juin 1980. On retrouve Go With, Turn It Over et Gone with the Wind, un classique de chez Classic. Et on finira ce bloc en live, hein, puisqu'on est dans le reggae, ben on va rester dans le reggae, avec Butterflies de Ziggy Marley. C'est sur le live at KCRW, je pense que ça doit être une radio de Jamaïque. C'est sorti en 2016, on retrouve Conscious Party, Start It Up et Tomorrow People. Ah, c'est bien le fils à son père, lui. voilà que je t'en donne une nomination à la con. Le papier est signé, je dois l'assumer. J'aurais dû appeler Lulu, mais j'ai pas pu. Madame n'a pas voulu. Aujourd'hui, je m'appelle Lucien, bien que je n'y suis pour rien. Du coup, on m'appelle Lulu ou bien Loulou. Car oui, c'est vrai, j'adore les bisous. Mais n'oublions pas, Lucien adore les câlins. J'y comprends plus rien. Bref, quelle histoire sans fin. L'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Thank you.

Now why not me and you? Hey, 'cause we can be butterflies. If only you knew the battles you will win with arms, and only love can win the war. We can be butterflies. Now can you hear what I say? Only the sun can bring the day. We can be butterflies. We can be butterflies. We can be butterflies. We can be butterflies. We can be butterflies. We can be butterflies. We can be butterflies. We can be butterflies. Vous êtes toujours dans la 117e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Blood and Tears, le nouveau Anso M, Big Brother, le nouveau Jim, Lucien, le nouveau Luflu Gainsbourg. Oui, tu peux être fier, tu portes très haut le prénom de ton père, toi aussi. On a continué ensuite avec Chatty Chatty de Toutes Scènes de Metal et on a fini ce bloc en live avec Butterfly de Ziggy Marley. On continuera cette émission avec... Stay, le nouveau Noidem, c'est sur l'album, enfin l'EP, 4-5 titres, A Time Will Come, sorti en février 2018. On retrouve Welcome Home, Bring Me Down, Stay, Your Other Self et A Place to Live. Le clip de Welcome Home et Stay sont visibles sur, donc Stay vient de sortir, ils sont visibles sur YouTube. On retrouve Noidem sur Facebook, Bandcamp et toutes les plateformes légales. On continuera ensuite avec Bloody Battle, Time to Kill You All, le nouveau Kraken, c'est sur l'album Vengeance Book 1, qui est sorti en février 2018 aussi. On retrouve Die, The Reign of Chaos, Vengeance, Amity I Will, retrouvez le Kraken sur Facebook, Bandcamp. Bon, et la prochaine, eh ben, j'aime pas le faire, mais bon, faut bien que je fasse un peu de promo pour moi de temps en temps. On écoutera ensuite Défenseur des oubliés du système, le nouveau Morsen 43. C'est sur le quatrième album qui vient de sortir, Morsen 4. D'ailleurs, l'instrumental, elle est signée par Will Kraken, pour info, qui est sorti début mars. On retrouve La Tête de Gong, Élection Déception, 10 ans plus tard. J'aime pas le faire, mais bon, on retrouve sur Bandcamp et YouTube et la page Facebook Morsen 43. Viendez, likez et surtout partagez. On écoutera ensuite Enigma de Panda Dub, c'est sur l'album Shapes and Shadows, sorti le 1er mars 2017. On retrouve Lost Temple, Kalahari et Je finirai seul dans un coquillage. Moi aussi. Et on finira ce bloc en live avec William Cramps de Ludwig von 88, c'est sur l'album Oulala 3, Le Retour, sorti en juillet 98. On retrouve Bagdad sous les bombes, New Orleans, Jack Chirac, et entre autres parce qu'il y a plus de 40 titres sur ce live-là. We'll be right back. Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Eh oui, je fais partie de tous les gagnes petits, ceux qui ont peu de revenus, loin de la paye des parvenus. Je connais bien la rue, une famille qui ne me connaissait plus, et dénigrée par les administrations, une vie dans le feu de l'action. Je vis pour les plus démunis, tous ceux qui tombent dans l'oubli, tous ceux qui vivent dans la précarité extrême, je suis le défenseur des oubliés du système. Savez-vous ce que ça fait d'être et d'avoir plus rien, manger de la peau de chagrin quand encore il y a à manger? Je suis le mouton noir des établissements pénitentiaires, d'un capitalisme qui fait perdre espoir et rend les gens suicidaires. Je vis pour les plus démunis, tous ceux qui tombent dans l'oubli, ceux qui vivent dans la précarité extrême, je suis le défenseur des oubliés du système. Relevez-vous, vous n'êtes pas seul, nous sommes déjà une poignée, et j'espère bientôt des milliers à ouvrir nos grandes gueules. Leur système est foireux, les mêmes en poche à qui mieux mieux, et puis pour le reste, ne reste que les miettes. Je vis pour les plus démunis, tous ceux qui tombent dans l'oubli, ceux qui vivent dans la précarité extrême, je suis le défenseur des oubliés du système. N'en disons pas mieux, ouvrez bien les yeux, toutes ces administrations nous prennent pour des cons. Mais 68 va avoir 50 ans, où en est-on à présent? Avez-vous vu une évolution? J'en appelle à la rébellion. Je vis pour les plus démunis, tous ceux qui tombent dans l'oubli, ceux qui vivent dans la précarité extrême, je suis le défenseur des oubliés du système. We'll be right back.

but I have no teeth left, and I'm pinched just like a hog. If I could have one more time, if I could have one more time, if I could have one more time, if I could have one more time, to howl at the moon, chase pigeons in heat, have the world at my feet, I would give anything. connection. We can't lose transmission. I wanna take it all. Give me your permission. I came with my weapon. Get ready for action. I'm gonna get it all. I wanna take it on. Kiss if you give me a Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Good God! Écoutez Gold Dog de The Slakers, I Got a Mission, nouveau Z-Band. Allez sur la page Facebook de Z-Band. On écoute ensuite le guerrier, le nouveau Hamzera. Pareil, allez sur la page Facebook et Bandcamp de Hamzera. On a écouté ensuite Slave Driver de Winston McAnuff et on a fini ce bloc en live avec Cake Walk de Mr. Big. Cette 117e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Si vous êtes un groupe et que vous souhaitez être diffusé, contactez-moi sur la page Facebook de l'émission et Vampire Freaks, l'émission radio. Et on se retrouve sur Archive et sur toutes les radios habituelles. À la semaine on finira avec Mon Amour Baiser de Jane B. Bah ouais, tout à l'heure on a eu Lulu Gainsbourg, faut bien un moment sortir la Jane B. De Jane Birkin. Mon Amour Baiser de Jane Birkin, c'est sur l'album Didou Didouda, sorti en 1973. On retrouve Help Camionneur, Les Capotes Anglaises, et C'est la vie qui veut ça, du son culte. Et pour la petite info, cet album a été fait exprès provocateur pour faire de Jane B, comme qui dirait, une fille facile. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et toutes, la tribu! baiser cou, baiser gorge, baiser sein, baiser ventre.